Le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple, en date du 27 décembre, donne un éditorial contre la présence du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à la candidature aux élections présidentielles sud-coréennes. Ban Ki-moon, qualifié de pire secrétaire général dénué d'intelligence de l'histoire onusienne et de sud-coréen dangereux par le manque de capacité, est soupçonné d'avoir reçu du pot de vin. Ce faisant, l'éditorialiste souligne que s'il pose sa candidature, s'amplifieront davantage la méfiance et l'horreur politique.